Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel vous en avez pas d'impro. Alors, vous situez présentement à l'endroit depuis lequel vous écoutez le podcast. Je suis Ishamel Amouri et il s'agit de l'épisode 5 de la saison 5. C'est quand même cool au niveau numérique, je trouve. Un peu de contexte, hier, veille du jour de diffusion de ce podcast, de cet épisode, bon, par définition, vu que hier, c'est la veille de... Bref, nous étions le 29 octobre et figurez-vous qu'il s'agit de la date de mon anniversaire. Bon anniversaire, Hicham. Eh bien, alors, merci. Et pour l'occasion, eh bien, je sais pas... C'est fou, c'est à la fois un bon anniversaire en retard et en avance. Oui, c'est dingue. Hein, quoi. Et il y a les deux zigotos qui m'accompagnent, à savoir Iso Brassel et Manu Hennebert. Bonjour tout le monde. Qui ont préparé des trucs. Mais je sais pas quoi. Et tout ce que je peux savoir, c'est qu'en face de moi, il y a un mec qui me ressemble bizarrement. C'est vraiment chelou. C'est un miroir. C'est un miroir. Ah oui, c'est ça. Iso a refait un peu de déco. Elle a mis un miroir au milieu de la table. Un miroir déformant pour une version alternative. Un peu plus jeune. Un peu plus, un peu plus intellectuel, peut-être. Intelligent, dirons-nous. Ah. Donc, en face de moi, il y a Anis Alamouri, qui est mon frère. Bonjour. Que j'aime. Je suis le frère de l'autre qu'il aime. Voilà. Et Anis, qui était venu dans la saison 2, oui. Je me souviens bien. Oui, dans cette même espace dans lequel nous enregistrons, c'est d'ailleurs. C'est rare qu'on enregistre ici, mais tu viens toujours ici. Ah, c'est vrai, ouais, ouais, je me suis dit, c'est la base. Temps, on fait ça chez moi, non. Non, d'habitude, c'est chez Hicham. Ouais. Bah pour moi, c'est ici, et vous ne changerez rien, à mon avis. Il faut savoir que, comme l'a dit Hicham, nous avons préparé des petites surprises, en sachant que la première surprise était la présence, tout simplement, de Anis. Voilà. Et quelqu'un a sonné, je fais... Et les deux m'ont regardé genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Franchement, avec un timing parfait, on venait d'enregistrer l'épisode précédent. Il y a eu un petit truc de 2 minutes, le temps de dire, ah ouais, c'était bien, bon, allez, peut-être qu'on va faire la suite. Et bzzzt. Mais du coup, j'aurais pu, si j'étais venu en avance, j'aurais sonné pendant un épisode. Oui. Ça, ouais. Ça aurait été énorme. Ça aurait été pas mal, j'aurais non plus. J'aurais dû faire ça, ouais. Allez, on l'a refait. Ouais, allez, let's go, je me casse. Donnez un coup de marteau sur la tête d'Hicham qui l'oublie. Wow. Bon, on vous promet que ce ne sera pas juste des private jokes. Oui, on vous promet. Je pense qu'il y aura une valeur à ce qui va être fait improvisatiquement. Voilà. Moi, je ne fais pas cette promesse. Et ce qui est très drôle, c'est que Hicham présente l'épisode et qu'il ne sait même pas qui a préparé quoi. Donc, mais qu'est-ce que c'est, hein? On n'a rien préparé. Mais oui. À part une vaste blague. Et c'est trois impros, peut-être trois impros. Ok, apparemment ça s'est acté. Trois impros, des contraintes diverses et variées pour du fun et du challenge. Ok, ils ne savent pas non plus, apparemment. Bon, bah bravo, super. On a fait un vœu au début de cette saison qui était de se surprendre. Oui, oui. Et accessoirement, je pense que la troisième chose, ça avait une vénération de ma personne. Enfin, ça, j'espère. Be careful what you wish for. Oh, really? Ou alors ça va être genre, mais on va faire une impro de tes pires moments. Oh non. Ah, oh, putain, je vous déteste. Mise en boîte. Mise en boîte. Et on a invité Koé. Horrible. Qui t'a bien connu, ouais. et en fait, voilà. C'est à partir de là, je ne sais plus quoi faire. Tu peux nous donner la parole pour la première improvisation. Ok, bah, je vais faire ça. Iso. Oui. Tu as l'air de vouloir la parole pour cette première. Oui. Je veux bien. Et bien effectivement, nous allons faire que des improvisations sur le thème de Hicham. Waouh. Et du coup, qui de mieux que les frères Alamouri pour jouer ce genre de choses? Et vous allez d'abord jouer une comédie musicale qui va s'appeler Bike the Musical. Parce que l'amour du vélo d'Hicham n'est plus à démontrer. Son corps est marqué d'abord à l'encre par les tatouages qu'il a fait et puis par les nombreuses chutes qu'il a fait. Alors, que ce soit dit, je vous allez jouer ce que vous voulez pendant 5 minutes et à des moments, parfois je ferai. Non, c'est ça. Ouais. Pardon, excusez-moi. On ne peut pas toujours, toujours gagner. Merci. Mais il faut que j'apprenne à la faire, sinon ça va pas fonctionner. C'est quoi le son ? Quand je ferai. Ça veut dire qu'on pose l'improvisation et je vais vous proposer une instrumentale pour commencer une chanson du temps que j'aurais voulu. Et si ça fait doubt, on continue l'impro sans chanson. Si ça fait... C'est la fin de l'impro. Donc on verra s'il y a 1, 2, 3 chansons. On verra selon mon bon vouloir. D'accord, d'accord. T'as regardé Dune ? Toi ! C'est pas grave. Ah, désolé. Eh ben. Bien. Et oui, donc à Nice, tu vas chanter. Ah bah oui, peut-être. Oui. Je chante tous les jours de ma vie. Hein. Bah oui. Dans, chaque dans jour la... que Dieu fait. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. C'est normal. Oui, je sais, c'est tout. Attention, c'est parti. Bike the Musical. Tu vas trop vite. Tu attends-moi. Je ne t'attendrai plus, plus une seconde. Bon, j'ai menti, je t'attends. C'est un rêve fou que tu as. Nous n'attendrons jamais la ville des vélos. Jamais on n'y arrivera. C'est elle au sommet d'une côte infernale. Pause. Non, c'est pas le bon bouton. Minute. Donc, nous en étions à... Ah, on n'attendra jamais la ville des vélos. La ville des vélos, c'est mon seul rêve. La ville des vélos, au sommet de la côte. Comment l'atteindre avec une bicyclette ? Eh bien, il faut pédaler, pédaler, pédaler, pédaler, pédaler, pédaler, pédaler, pédaler, pédaler. Un endroit où tout est plat, où tout n'y a que des pistes cyclables. Il y a des faux pour vélo, il y a des petites remorques, il y a des roues supplémentaires, il n'y a pas de montée, il y a plein de descentes. La ville des vélos. Et surtout, il n'y a aucune voiture. Oui, mais on va jamais atteindre Cyclotopie à ce rythme-là. Je n'ai jamais plus graissé ma chaîne depuis au moins 3 ans. Et toi, ton vélo, il a les pneus à plat. Il a les pneus à plat, mais tu sais ce qui n'est pas à plat. Non. Mes muscles et ma volonté de faire. Henri, jamais on arrivera à la ville des vélos. C'est un rêve. Henri, attends-moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes hors des limites. Hors des limites de quoi? Hors des limites du terrain de Bagnole City. Vous pensez quoi? Vous pensez atteindre Cyclotopia, c'est ça? Oui. Oui. Et c'est pas vous avec votre bicyclette à moteur qui allez nous empêcher d'y aller. Et avec 4 roues et un habitacle. La vie appartient à ceux qui sont motorisés. Motorisés. La vie appartient à ceux qui sont dans des cabines de fer. Cabines de fer. Jamais je n'ai voulu avoir un moteur sous mes fesses. Sous tes fesses. Fesses. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Eh ben c'est très simple. On va faire demi-tour et vous allez retourner à la ville des Bagnoles. Vous avez un truc pour attacher les vélos à la voiture? Ouais. Ah non, oui. Allez hop, mettez vos vélos là. Oui, bien sûr. Allez hop. Voici mon vélo. Vous avez de la chance que je vous ai trouvé parce que... Vous savez que vers Vélotopia, il y a des saloperies qui rôdent. Il paraît qu'il y a même... Quel genre de saloperies? Des trottinettes musculaires. Des trottinettes musculaires? Ouais, des trottinettes sans aucun moteur, sans aucune assistance électrique. Des trottinettes qu'il ne faut jamais brancher sur secteur. Je ne vous crois pas, monsieur. Ah oui? Monsieur, je ne vous crois pas. Ah bon? Et pourquoi? Regardez mes yeux, pourtant je suis dépositaire de la loi et de l'ordre. Eh bien, pourtant, je pense que ceci est un mensonge, une mensongerie même. Ah oui? Et je ne croirai pas en ces trottinettes musculaires tant que je n'en aurai pas vu une. J'arrive pas à attacher mon vélo! Eh bien, vous savez quoi? Il manque des courroies! Allez-y alors! Mais si vous vous faites bouffer tout cru par des trottinettes musculaires, venez pas vous plaindre après. Je savais, c'était... C'est trop dangereux. Les trottinettes musculaires, je savais qu'elles étaient là. Elles nous attendent. Mais n'est-ce pas un destin plus heureux que de vivre dans la fumée d'un pot d'échappement? Non? Ne penses-tu pas? Si, c'est vrai, sans doute. Je comprendrais que tu fasses machine arrière, mais moi, je dois y aller. D'accord. Bon, j'ai laissé le vélo chez le monsieur. J'irai à pied. Prends le mien. Je te suis à pied. Au sommet, au-delà de la colline, il y a une ville magnifique. Elle arrive, elle est apparue dans l'horizon. C'est Cyclotopia. Cyclotopia. Une trottinette musculaire me suit. Dring, dring. Et me transporte. Dring, dring. Elle m'emmène vers la vie. Dring, dring. Elle me transporte dans l'autre sens du terme. Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia est bientôt là. Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia, tout dans les bras. J'adore Cyclotopia, je m'y promène avec toute ma famille. Nous sommes heureux, nous voyons les buildings. Ils sont en forme de cube, tels que dans une autre ville. Et pourtant, nous sommes bien à Cyclotopia. Henri, Cyclotopia. Henri, les trottinettes musculaires, elles existent vraiment, regarde! Oui, elles sont le prix de beaucoup de travail dans cette belle ville. Malheureusement, elles sont maudites. Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia, tout dans les bras. J'ai pas mis mon casque, mais c'est pas grave, il m'arrivera jamais. Waouh. Bonne conclusion. C'était autobiographique. Wow, trois chansons en une impro, bien joué. Ouais, ouais. Bien, incroyable. Bien joué. Il y a des fois j'ai regardé Anis, genre, est-ce qu'il va chanter? Ah non, il va pas chanter. Ouais. Ah non, il va pas chanter. C'est ça ce qui est beau. J'ai chanté dans ma tête. C'est un sport sans filet au final. Ouais. C'est un sport that's sans me. Filet. That's eh bien, merci that's pour me. Cette improvisation. Non, merci. Ah, oui. Oui. Le son du chaud caca. Ça du chaud caca. Pardon. Non, c'est bien, on enchaîne, c'est à moi la suite. Ok, je n'ai absolument rien compris à ce qui vient de se passer, mais je pense ne rien comprendre à ce qui va se passer maintenant. Manu, apparemment, c'est à toi que va revenir la main, j'imagine. Ça va me rester en tête, par contre. Cyclotopia. Alors, pour enchaîner après ce grand succès qui a été Cyclotopia, et suivant une logique qui nous a été transmise par Hicham lui-même, oui. La logique du sandwich au caca. Mm-hmm. Ah. Nous allons faire maintenant l'improvisation dont nous sommes la moins sûrs. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, auditeurs dont on n'a rien préparé, mais nous vous manipulons depuis le début. Régulièrement, nous testons des nouvelles catégories en les plaçant au milieu de l'émission et en se disant que si l'impro est mauvaise, comme il y a une impro dont on est à peu près sûr qu'il sera à peu près bonne au début et à la fin, et Cyclotopia a prouvé que cette logique était vraie, en tout cas pour la première partie de l'émission, ouais. Eh bien, vous, au final, vous vous direz « Oh, c'était quand même chouette. Bon, le milieu n'était pas ouf, mais c'était quand même super chouette. » Jamais et donc, ça en 5 saisons. Non, je crois pas. Mais faut faire gaffe à pas faire un sandwich de caca. Ouais. Que ah oui. Tu mets une tranche de pain au milieu. On verra. C'est à vous. Alors, Hicham, donc, nous avons parlé de ta première grande passion qui est le vélo. Oui. Et ta deuxième grande passion, évidemment, c'est toi-même. Et puis comme tu passes des journées entières à monter les épisodes et donc à entendre ta voix, on s'est dit qu'une manière formidable de te rendre hommage était de te faire jouer avec toi-même. Oh, punaise, c'est énorme. J'ai donc isolé des répliques que tu as prononcées, des phrases que tu as prononcées lors de divers épisodes dont on n'a rien préparé. Et tu devras improviser entre les répliques de toi. C'est un sandwich au diamant, là. Alors, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est l'un ou l'autre. Oh non. Putain. Et oui. Eh bien, Cyclotopia, Cyclotopia, te tend les bras. Eh bien, Hicham, tu vas jouer avec toi-même. Ça commence par une réplique de toi à laquelle tu vas pouvoir répondre avant que ça entraîne. Il y a 10 répliques. À la fin de la 10e réplique, ce sera la fin de l'impro. Belle aventure avec toi, Mimi Cham. Merci beaucoup. Attention, c'est parti. Ce bouton-là. Un autre, s'il vous plaît. Ça suffit pour toi. Je suis désolé. T'en as déjà bien assez pris comme ça. Oh, tu veux que j'aille te chercher un autre iced tea? Va plutôt toi te chercher un iced tea au bar d'en face. Tu me fais pitié. Tiens, assez bu comme ça. Rentre chez toi. Ça sent un peu le renfermé. Et le vieux Lino. Pardon? Écoute, c'est peut-être un rad miteux, mais c'est le seul rad qui t'accepte encore. Alors à moins que tu veuilles te bourrer la gueule en face d'un distributeur de boissons, t'as pas le choix que d'être ici. Refuse d'être vu avec une personne telle que toi devant tout le monde. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai mis des rideaux occultants aux fenêtres. J'ai fait tout ça pour toi. Maintenant, s'il te plaît, arrête de boire. Prends un verre d'eau, un soft, quelque chose. Qu'est-ce que... Enfin, je ne suis qu'un secrétaire, après tout. Non, tu n'es plus un secrétaire. Tu es une épave, une enclume coulée au fond du canal. Moi, je suis tout ce que tu aurais pu être. Tu aurais pu être un barman. Tu aurais pu être un barman comme moi. Mais non, tu as voulu aller dans le secrétariat et taper dactylographier toute la journée. Tu vois ce que ça a fait de toi? Non. Laisse ce tabouret en place. Tu ne vas pas... Laisse ce tabouret en place. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper avec mon propre mobilier? Laisse tomber, Hicham. Tu es une épave. Pas qu'il est censé rester dans les annales, mais plutôt qu'il se remémore des bons moments. Mais je me remémore des bons moments. Cette fois, tu m'avais fait un balzi smash à ta soirée chez toi, là. C'était vraiment bon. Tu avais ça dans le sang de faire des cocktails, Cham. Mais non, tu as choisi la facilité et la norme. Pourquoi tout le monde le monde se moque de moi en permanence? Eh oui, tu me fais marrer. Tu sais quoi? Je me servir à verre, moi aussi. Tu sais... Que veux-tu que je te dise? J'avais déjà parlé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis, j'avais déjà parlé. Ça m'intéresse. Oui, non, mais oui, j'ai bien. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ça m'intéresse pas spécialement les paillettes. Mais c'est bien ça le problème. Tu n'as pas voulu accueillir la brillance dans ta vie. Et voilà ce que tu es devenu. Gris, terne, comme du béton. Mais aujourd'hui, je serai le Hicham que tu n'es pas. Wow. C'est très intéressant de voir à quel point tu t'imitais toi-même. Oui, tu prenais l'accent. Tu prenais la voix. Que, je fais pas exprès. Il y a une espèce de mimétisme tout du long. Tes personnages, bon. Tu les imitais. Et comme ça, tu sais ce que c'est de jouer face à quelqu'un qui fait... Ça, c'est super clair. Et c'est très agréable. Mais oui. Il était méga bourré, hein, l'autre Hicham. Hein. Ouais. On comprenait rien de ce qu'il disait. Pas spécialement non. Les paillettes. Oui, il manquait des mots. Parfois. Mais par ma faute ou par votre faute? Comme quand on fait une impro avec toi, Hicham. Oh, wow. On ne comprend pas toujours tout, mais on joue avec quand même. Réplique, j'ai fait genre, on dirait à Nice. En fait, c'est ce qui me fait une me dire. Des répliques, c'est moi. Ouais. Mais vraiment, j'ai déjà entendu des gens dire, mais vous avez vraiment la même voix. Je suis genre, ah oh bon, pas tant que ça. Et en fait, là, au début, quand j'ai entendu la première, je suis genre, on dirait vraiment que c'est Anis qui a parlé. Les gens disent ça. Mm-hmm. Après, est-ce que c'est vrai? Bon. Et t'aimes pas les paillettes? Je sais pas si je me souviens de ce moment. Ouais, c'était paillettes. Non. C'était une question saugrenue. Oui, oui, ça. J'avais dû dire genre sucre ou paillettes. Non. T'as dit... Fluo ou paillettes. Fluo ou paillettes. Est-ce que vous préférez des vêtements fluo ou des vêtements paillettes? Fluo. Moi aussi, c'est plutôt. Ah, voilà. Pas spécialement. Alors, paillettes. Vraiment... T'as dit. Bah, j'aime pas spécialement les paillettes, donc... Ouais. Ouais, je crois que c'était ça la vraie citation de base, mais VLC a un peu bouffé des débuts et des fins de phrases. Oui, mais ça laisse de la place à Lyon. On réécoute le truc complet. Samada. Samada. Samada. Enfin, il bouffe un peu des mots. Bref, merci beaucoup. Je suis sûr que ce n'est absolument pas dû à ton talent de monteuse. Absolument pas. Oh. Tu montais ça extrêmement bien, de manière... Vraiment très lucide, pas du tout à minuit et demi. Ouais, c'est ça. J'allais dire à l'avance, dans des temps décents. Et oui, et très raisonnable pour mon sommeil et la qualité de sommeil de ma compagne. Eh bien, nous arrivons déjà à la dernière impro de cet épisode. Eh ouais ! Oh là là ! Mais que va contenir cette improvisation ? J'en ai pas la moindre fucking idée. Qui doit parler maintenant ? C'est Ize. Eh bien, vas-y, Ize. Malgré les surprises légèrement spoilées, c'est pas très grave. Nous allons faire une dans la pièce à côté avec une armure secrète. On verra si tu arrives à deviner l'œuvre dont nous nous sommes inspirés. Ah non. Quel débilo. Dans la pièce à côté, je vais donc passer un extrait d'une œuvre cinématographique mystérieuse et vous allez voir à la fin. Je sais pas lequel. À la fin de ce passage. Moi, je pense que c'est un film avec Jack Nicholson. Vous allez pouvoir jouer ce qui se passe dans la pièce à côté. Évidemment, si vous connaissez l'œuvre cinématographique mystérieuse, n'hésitez pas à vous réinventer. Allez. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts ? Un air de défi dans le regard, comme son père. Laisse-nous. Tu dois faire tout ce que la révérence. Vous congédiez ma mère dans sa propre maison. Approche. À genoux. Comment osez-vous user de la voix sur moi ? Mets ta main droite dans la boîte. Ta mère t'a prié de m'obéir. Alors, une fois que ton grand frère sera sorti de là, ce sera ton tour. D'accord, mais je dois aussi mettre les chaussures qui grincent comme lui ? Oui. Alors, où est ta perruque ? Où est ta perruque ? Ah, ma perruque, je l'ai oubliée. Je crois que je l'ai oubliée. Pose une acte, tu n'as pas ta perruque. Non. Tu n'as pas ta perruque. Mais mon crâne est beau comme ça. Ce n'est pas une question de crâne, c'est une question de tradition. Nous honorons une tradition millénaire. Ton frère est en train de devenir le clown qui contrôlera toute la famille. Est-ce que tu veux devenir le clown qui contrôlera tout ce que ton frère ne contrôle pas ? Quoi ? Est-ce que tu veux... Ne me fais pas répéter. Tu as toujours été le petit impertinent, comme ton père ! Regarde cette petite fleur que j'ai trouvée, tu veux la sortir ? Oh, c'est joli, c'est quoi ? Tu es prêt. Ça ne fait aucun doute. Que tu aies une perruque ou pas, ce n'est pas important. Je vois en toi l'âme du clown. Le gag ? Le ridicule ? Le pathétique ? J'ai peur d'une chose. Qu'est-ce qu'il y a ? La boîte. Il y a un diable dedans. Hein. Il va sortir. Hein. Quand je vais devoir toucher la boîte, il va sortir. Il va y avoir un diable qui va sortir de la boîte. C'est ça qui va se passer. Hein. Peut-être. Ou alors, cela te soudera des gants aux mains pour que tu sois éternellement maladroit. Pour que tu sois éternellement maladroit. Et que plus aucune action ne soit simple pour toi. Ah, ton frère a échoué. Tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas d'ingé son et il y a un ingé son qui parle. Qu'est-ce que tu veux ? Dans cette maison de cirque, on fait appel à tous les artifices de la scène pour la gloire de la famille. Allez, rentre dans cette pièce. D'accord. Waouh ! Il a fait avoir collision entre l'œuvre et la pièce à côté. Waouh ! Et vous vous êtes bien réinventé parce que. Oui, à un moment, il a un pas de diable dans la boîte. Pour ma défense, on aurait deviné. Bah oui. On aurait deviné. Que c'est Inception. Mais alors, quelle était l'œuvre pour nos spectateurs? C'était Seven, non? Ouais. Dans la boîte à la fin. Y a-t-il dans la boîte? Ouais. Bien joué. C'est Charlotte Rampling, le film. Ouais. C'est on sait, Charlotte Rampling avec une voix d'IA. On aurait dit que c'était une voix d'IA qui faisait ça. C'est ça, je me suis fait la réflexion. Genre, et tu crois qu'ils ont mis. Ah non, mais non, Charlotte Rampling, elle est francophone, donc c'est sans doute elle qui s'est doublée elle-même. Mais on dirait que c'est une IA qui l'a doublée. Quoi. C'est vrai que les fins de mots étaient très tranchées, mais comme dans le film de base. Quoi. Ouais. Tout à fait. Donc le film de base, Charlotte Rampling, le film. Un biopic assez passionnant. D'ailleurs, le 2 sort en novembre. Le 2. Je me dois quand même de traduire la private joke, c'était d'une. Celui de Denis Villeneuve, donc. Pas de... Yes. Non, oui, vu que l'autre, je ne l'ai pas vu. Donc, ça aurait été. Ah oui. Bon. C'est très différent. Bah oui, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ah oui. J'ai pas réussi. Mais je pense que ça se tente quand même. Hein. Une soirée d'une. Moi, j'ai bien aimé. Plein de gens aiment bien. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de Dune. Bah si, justement, pourquoi est-ce qu'on a choisi Dune pour toi? Est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs? C'est vrai. En quoi parce que je suis insupportable. Parce que t'es quoi? Insupportable. Parce qu'après chaque enregistrement qui se passe chez Hicham, il fait « Vous voulez faire une partie de Dune? J'ai les dernières extensions. » Et on doit à chaque fois trouver des bonnes excuses de se barrer et on commence à plus en avoir. La bonne excuse, c'est genre « Nous n'avons pas 4 heures. » Et pour le moment, il a acheté ses excuses. Mais on sait bien qu'un jour, il les achètera. Il nous en voudra. Qu'il téléphonera. À Kélina et à Valentine pour dire « Non, elles savent que vous restez. » Personne ne vous attend en dehors de cette maison. C'est-à-dire qu'on a dû inventer des relations de 4 ans et de 1 an pour moi pour pouvoir échapper à ce genre de choses. Mm-hmm. Eh ben oui. Ça vaut le coup. Eh bien, c'était la dernière improvisation. Oui, c'était la dernière... Pardon, je présente. Mais oui, pardon, c'est toi qui présente. C'était la dernière improvisation de cet épisode. Oh là là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah oh bah oui, hein, ça. Ah. Est-ce que toi, tu passes un bon moment? Bah, oui, oui, oui. Tout n'était pas... agréable. Alors, c'est trop beau. Il a dit tout n'était pas et puis son micro est physiquement tombé. C'était très drôle. Il a lui-même... Il s'est suicidé. C'est dur, hein, l'impro audio, hein. Oui. Le public rate tellement de choses. Ah ouais, hein. Et nous aussi. Non, c'est dur, hein. Oui. On a plein de ressources qu'on n'a pas... Mais il y a plein de trucs qu'il n'y a pas, ouais, mais... Mm-hmm. Mais du coup, il y a plein de trucs qu'il y a. Enfin, attends, c'est non, pas... Par exemple, Charlotte Rampling. Aucun... Charlotte Rampling. Oui, mais pas, ça n'a aucun sens dans ma phrase, mais... Moi, j'ai fait un match avec elle, plutôt sympa, ouais. Ok. Mm-hmm. Ça fait longtemps. Un match avec elle. Un match d'impro, un match ouais. De foot. Un match d'impro. Ah, ok, pas de badminton. Un match d'impro. Un match d'impro. Elle a gagné. Elle gagne, ouais. C'est sûr. Est-ce que tu as un coup de cœur? Ou est-ce que tu veux skipper? En fait, c'est toi qui présente. Donc bah oui, c'est ça. Choix, mais quitte à... Est-ce que vous avez des coups de cœur? Vous, j'en ai rien à battre. Parce que waouh. C'est à propos de moi cet épisode. Donc, je vais pas vous poser la question. Anis, est-ce que tu as un truc à dire? Le regard au ciel. Si j'ai un coup de cœur. Oui. Ouais, bah ouais, j'ai un petit coup de cœur que je peux présenter aux auditeuristes. C'est assez bon, c'est pas si connu, mais c'est possible de d'entrer en contact avec ce coup de cœur. C'est une personne qui se trouve à Bruxelles, qui est improvisateur. Et alors marrant, il est là dans la salle. Et il a sorti un EP il y a pas longtemps, non? Enfin, je vois la personne à qui tu fais référence, mais il a vu que voilà, on est dans le Time skip là, ouais. Il a sorti un EP il y a 2 jours, c'est ça, deux jours, il est vachement bien. Hier, un EP très très bien. Et du coup, c'est Ishingiri, son nom de scène, son nom normal de naissance, c'est Hicham El Amouri. C'est mon coup de cœur. Moi, plus le coup de cœur pour la personne, je suis sûr qu'il y a, je veux dire, mon coup de cœur là, je l'ai choisi sur la personne. Il s'avère qu'il a aussi une activité de musicien. Si j'avais choisi un coup de cœur musique, ça aurait été ça, je pense. Mais... Et est-ce que si tu avais choisi un coup de cœur culinaire, du coup, ça aurait été les onigiri ou rien à voir? Non, ça aurait été un plat que Hicham m'a cuisiné il n'y a pas longtemps, qui était délicieux. Voilà. Quoi? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un genre de curry. C'était très bon. Et quel homme complet. Ouais. Eh bien, tout ça, merci Anis. Ah. Bisous. Je t'aime. Ize nous a pris le truc pour faire un vrai bruit de bisous dans le micro. Tu te fais bisous à ta main. En plus, j'adore avec faire toi, bisous en plus, ah, mais qu'on avait appris ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez en fait, tout le nexus, tout le nexus de ce qui s'est passé dans cette émission en général, c'est avec toi en fait. Il n'y a que deux épisodes en fait, si j'ai bien compris. Oui. Trois. Maintenant trois. Ah, parce que j'ai assisté à un autre. Parce que t'en as enregistré deux. Et puis, ah oui. Moi, je l'ai vécu comme un. Mais oui, tout ça pour dire que donc, je profite de cette plateforme pour parler d'une entreprise musicale que je lance. C'est un groupe, ou en tout cas un projet musical qui s'appelle Ishingiri. Donc, comme Ish comme Isham, H-I-C-H et Ingiri, comme ça se prononce. Et c'est un EP de quatre titres sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et que j'aime, dont je suis très fier en tant que musique. Et il y a également qui va avec un clip pour l'un des morceaux qui s'appelle Perplexe, qui est sur YouTube. Donc Ishingiri sur Spotify et Bandcamp et Perplexe par Ishingiri sur YouTube. N'hésitez pas à aller venir ça. Je suis également sur Instagram avec @Ishingiri et venez me voir là-dessus. Et voilà. C'est fait, ça faisait longtemps que ça devait sortir et ça m'a beaucoup fait peur, mais c'est dehors. Wow. Dehors. Depuis dehors, hier. Pardon, je m'en vais. Ok, au revoir, merci. C'était, je suis très reconnaissant de Manu et Ize pour m'avoir fait cet épisode. Je m'attendais pas. Et, au revoir. T'as regardé Dune? Toi. C'est pas grave. Ah, désolé.